et ensuite plonger pour le bonheur d'un proche. Si je pouvais aider la maman, je lui donnerais tout le bonheur de l'euro million financé par un autre. Je taffe à la CEDIC, il me faut une meuf en civil parce que j'aime ça. Passer le temps à fumer, baiser des meufs autour d'un flash de vodka. Il me reste moins d'un euro en poche et pourtant je dois aider la maman. Mais y'a rien à bigrave que des mecs qui prennent app. J'aimerais faire des transacts, une balle perpétée pour pouvoir vous voir ensuite épanoui sur un transat. J'attends de brasser ça. Pour le confort, je suis réprochable. Même si le comportement quand vous n'êtes pas là est assez instable. Je suis né avec un seul but, ne jamais connaître la chute. Et plus je grandis et je vois qui sont mes ennemis et mes vrais amis. Rien ne sert de courir pour avancer. Faut juste taffer pour toucher les billets, sinon t'es cramé. La vie n'est pas une télé-réalité. Sache-le, je vois que tu l'as oublié. Je viens d'écrire mon mal-être dans ce monde, y'a plus trop de traite. Devant toi, ils sont bien, mais ils te traitent en secret. Mais ils ont toujours besoin de ton aide. Dis-moi où ils sont nombreux, les vrais. Arrête, tu les comptes sur les doigts de la main et tu sais. Dis-moi, ils sont les vrais. Dis-moi, ils sont les vrais. Tu remets une couche, mais c'est du neuf qu'on attend. Ne prétends pas que ton or de gloire est gravé sur le cadre. Je fuis leur commerce pour me lancer dans la dé. Je mangerai le regard si je commence à lancer les dés. T'as pas idée du taf que l'on fait, des claques que l'on met. J'avancerai même s'il y a beaucoup de plomb dans la tête. J'ai laissé mes nègres air parce que j'ai pas pu m'arrêter. J'ai jamais gratté des cordes alors j'ai gratté papier. La sortie y'en a qu'une mais t'as pris la mauvaise. Tu peux rester dans ta bulle, les gens attendent que du rêve. Acheter un micro pour s'acheter une confiance. Ne crois pas que le buzz est là pour te donner ta chance. Ne prétends pas avoir du bif si tu galères pour un titre. J'ai choisi l'indépendance car je veux marquer mon équipe. Ok, 20 balles production.